kakali sono amitié et bandi on est comme au quotidien on te habite pas ami et toi l'imani ami et toi mi pesa modima yo que me llevo papa sa carna reina tika lina susi na yo ami et toi l'imani ami et toi mi pesa modima yo que me llevo papa sa carna Kaina tikalina susi na yo, mochebe na tikalina susi na yo. Kieto ina si tukarani. Amiye toli nani lebo, amiye tobi pesa modiba. Yoke me ero papa zakana. Kaina tikalina susi na yo. Amiye toli. Thank you.